Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Mélancolie, un jour s'achève. Mélancolie, on n'y peut rien. Chaque soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses rêves, seul, jusqu'au matin. Et chaque nuit, ça recommence, pour torturer le cœur trop lourd. Le cafard dans la fumée et dans l'alcool mène la danse jusqu'au jour. Demain il y aura de l'amour et de la lumière, peut-être bien, ça m'est égal. Barman, jusqu'au matin remplis mon verre, je veux rêver que j'ai moins mal. Mélancolie, tu nous enchaînes plus fortement qu'un grand amour. Un beau soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses peines pour. Commence pour torturer le cœur trop lourd. Le cafard dans la fumée et dans l'alcool mène la danse jusqu'au jour. Demain il y aura de l'amour et de la lumière, peut-être bien, ça m'est égal. Barman, jusqu'au matin, remplis mon verre. Je veux rêver que j'ai moins mal. Mélancolie, tu nous enchaînes plus fortement qu'un grand amour. Un beau soir, dans la fumée et dans l'alcool, on noie ses peines. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai Hola la Music, el programa de música en francès de la nostra emissora Melancholie, en Pierre Dudan. Aquesta antologia de la música francesa va néixer el 1916, aquest personatge, i aquesta cançó és de l'any 1948. Propers minuts per escoltar música diversa, en els primers minuts escoltant clàssics com Les Enfants du Pire de Dalida o Les Mots de Le Mots de Renault, i també la Claire Fontaine de la Chantal Ganette i el seu quartet. Tot això ens acompanya a continuació amb Rafael Corbí aquí a Hola la Música. Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que

mais il glisse sur le sol mouillé. Quincaillia, hop là, mais il glisse sur le sol mouillé. Crac, il est escrabouillé. Du fiacre, une dame sort et dit quincaillia, hop là. Du fiacre, une dame sort et dit oh, chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, quincaillia, hop là. Y'a plus besoin de nous cacher, oh, donne donc 100 sous à se cocher. Esteu escoltant Ulala Music. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court. Ouvert par endroits depuis.

Segona part del nostre espai que aquesta setmana dedicarem a èxits antics, tot s'ha de dir, de la música cantada en francès a Eurovisió, perquè avui recordarem alguna de les peces que van ser famoses començant a finals dels anys 50 i cap als anys 60. Cançons com, per exemple, aquesta que hem escoltat, guanyadora del 56, representant a Suïssa, la Liz Assi, amb aquest refrain. Per exemple, la cançó guanyadora del 58, que és la que ve a continuació, amb André Clavaux, d'Ors Mon Amour, va ser la candidata i guanyadora de França. I després, l'any 60, també va tornar a guanyar França amb la Jacqueline Boyer, Tom Pilleby, es diu. Cançons com, per exemple, la del 61, que representava Luxemburg, també guanyadors amb Jean-Claude Pascal i Nul Amoureux. Tot això, a continuació, a Hola la Music. No, mon amour. Le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour avec tous les refrains de la nuit. Ma princesse endormie. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors, mon amour, ma princesse endormie dans sa tour. J'aperçois le sourire du matin. Voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour Il est si riche

et de mes cheveux blancs. Poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons. Poupée de cire, poupée de son. Il y aura 100 000 chansons. Quand viendra le temps des 100 000 saisons, 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le lit doux de la terre, 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons de tancarem la paradeta amb aquest tema del 1969, primera posició per Frida Bocara, amb aquesta peça que acabem d'escoltar. Dos anys després, el 1971, guanyaria Un petit país, però també amb una cançó cantada en francès. Era Mónaco, en la Séverine, que ens acompanyava amb un banc, un arbre i una rua. I un carrer, bàsicament, eh? Doncs amb aquesta peça us dic fins la setmana que ve, tot repassant cançons que amb els anys ens han acompanyat a la música cantada en francès. Salutacions de Rafael Corbí a Hola La Music. Adéu-siau. Chacun son vœu rempli d'espoir sur le chemin qui